Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fudget pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut Yves. Qui est accompagné aujourd'hui d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Yves. Tous deux donc chargés de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et en studio, nous avons aussi Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Qui est en stage pour quelques semaines dans nos locaux. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous emmener François à la découverte d'une rivière de notre département. Et il y en a quelques-unes quand même dans le département. Mais tu vas t'intéresser à la Mortagne aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a décidé de vous parler de la Mortagne, qui est une petite rivière assez sympa, assez mignonne, assez jolie, qui coule dans le sud-est du département, qui vient des Vosges, qui passe par Rambervillers et puis qui arrive dans notre département vers la commune de Manières et qui est un affluent de la Meurthe en rive gauche. Donc la Mortagne se jette dans la Meurthe au niveau de Mont-sur-Meurthe. La Mortagne fait partie des plus grandes rivières de notre département. C'est une rivière, on va dire, moyenne. On a les deux grandes rivières que sont la Meurthe et la Moselle, d'où le nom de notre département. Et après, tu as, on va dire, une dizaine de rivières de taille moyenne. La Mortagne en fait partie. On a le Madon, on a l'Orne, etc. Et puis après, tu as tous les sous-affluents encore. Et ça, je serais bien incapable de, de te donner un chiffre, mais parce que tu as les affluents, les sous-affluents, les sous-sous-affluents. Ouais. Et après, on part dans ce qu'on appelle le petit chevelu, c'est-à-dire vraiment les tout petites rigoles, les tout petits ruisseaux, pour lesquels d'ailleurs on a fait un gros travail de cartographie avec la préfecture et la chambre d'agriculture pour savoir si c'était vraiment des cours d'eau ou des fossés, parce que la réglementation pour les agriculteurs n'est pas la même. Mmh. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec mes collègues qui sont occupés de ça. Effectivement. Mais alors aujourd'hui, on s'intéresse donc à la Mortagne, cette rivière qui traverse le département, qui vient des Vosges, 75 km. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y pêcher aussi également? Oui, alors bon, bah, on est là pour parler quand même de la pêche et puis, bah oui, et puis des même. Poissons qu'on peut y trouver. Alors c'est une rivière qui est classée en deuxième catégorie. Donc alors, on le rappelle, oui. C'est la majorité des cours d'eau par chez nous, où l'eau est un petit peu plus chaude, un petit peu plus lente, un petit peu plus profonde, et on retrouvera des poissons comme la famille des poissons blancs, des cyprinidés. On le rappelle, les goujons, les ablettes, les gardons, les rotangles, les chevennes, les cyprinidés d'eau vive aussi, donc barbeaux, otus, et puis des poissons carnassiers, perches, brochets notamment, peut-être un peu de cendre, là c'est un petit peu plus profond. On peut, avec toutes ces espèces de poissons-là, pratiquer une diversité de techniques qui est intéressante en fait. Est-ce qu'il y a des secteurs où il est plus facile d'aller à la pêche dans la Mortagne, ou est-ce qu'il y a des secteurs qui sont peut-être même aménagés? Il y a un ou deux postes accessibles aux personnes à mobilité réduite, il faut regarder sur notre site internet. Et puis après, faut regarder un petit peu les accès. Alors voilà, autour de Gerbévillers, de Moyen, de Xerma-Ménil, de Manières, je l'ai dit, sur la partie amont. Et puis ce qui est intéressant sur la Mortagne, c'est qu'en fait, il y a une belle diversité de postes de pêche, de parcours. C'est une rivière qui méandre vraiment dans la vallée, là, c'est hyper joli. Et quand vous voyez les vues aériennes, là, ça fait vraiment serpent, quoi. Mmh. Les courbes sont très prononcées. Et puis, du coup, il y a une belle alternance, en fait, de fosses, de parties un petit peu profondes, un petit peu plus calmes, et puis de courants, de radiers, dans lesquels on peut pêcher, notamment à la brouillée, là, c'est sympa. On avait fait une chronique là-dessus, quand t'as les pieds dans l'eau. Là. Oui. Voilà, c'est une super pêche pour les gamins, là, en été, là, il fait bon, il fait chaud. Ça permet de se rafraîchir, de s'amuser et puis d'aller découvrir un petit peu les poissons qu'il y a là-dedans. Effectivement, donc la Mortagne, est-ce que c'est une rivière qui souffre aussi des sécheresses? Il y a des inquiétudes aussi par rapport à ça? Alors, on tend toujours un petit peu le dos. Hein. C'est sûr que là, on a vécu quand même quelques dernières années où ça a été un petit peu difficile pour nos milieux aquatiques. Pour l'instant, ça va. On est mi-juin. À l'heure où on enregistre cette émission, ça serait bien qu'il pleuve quand même un bon coup plusieurs fois, parce que là, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu une goutte de pluie, donc c'est bien, on fait des barbecues et puis, et puis on va se baigner dans les piscines ou on va se tremper les pieds dans l'eau, on pêche à la brouillée, c'est sympa. Hein. Oui. Mais effectivement, après, ça, encore une fois, c'est des problématiques qui dépassent largement le cadre de la pêche et des compétences des structures associatives de la pêche. Mais c'est l'occasion de repasser aussi un message de prévention et d'information par rapport aux économies d'eau qu'on peut faire tous au quotidien chez nous, dans notre consommation. On sait tous les petits gestes, hein, mais c'est important parce que l'eau qu'on consomme, c'est l'eau qui vient de la nappe phréatique ou des rivières, quoi. Donc c'est le bien commun, il faut tous qu'on l'économise. Donc on profite de cet été pour sortir, pour profiter de la nature. Si on veut reconnaître un peu le parcours que fait cette Mortagne, on peut la retrouver sur le site de la Fédé, par exemple. Oui, tout à fait. On rappelle, c'est www.pêche-54.fr. On tape le mot-clé Mortagne et puis on tombe sur la page qui présente la PPMA de Gerbeville, qui gère toute la Mortagne dans sa partie Meurthe et Mosellane. Et on peut appeler le président aussi si on veut des renseignements un petit peu plus précis. On rappelle que la PPMA est en réciprocité interfédérale et en réciprocité 54, donc on peut aller pêcher avec sa carte de pêche idoine. Ouais. Et puis, amusez-vous bien, respectez les propriétés privées aussi, les clôtures, on ne le dit jamais assez, mais c'est important. On a les droits de pêche parce que les propriétaires riverains nous les rétrocèdent, nous, aux associations de pêche. C'est important de respecter et d'avoir bien conscience qu'on est chez quelqu'un quand on pêche au bord d'un cours d'eau qui est classé en domaine privé, et qu'il faut respecter, il faut refermer les barrières si on en ouvre une, il faut respecter les clôtures, il faut pas couper du bois autour de son poste de pêche n'importe comment, on fait pas peur au bétail, enfin on fait attention, on respecte. Et pendant ces séances de pêche CCT, pendant qu'on attend que le poisson vienne titiller un peu notre bouchon, on peut peut-être avoir un bon livre sous la main pour patienter, et je crois qu'aujourd'hui tu as quelque chose à nous conseiller. Ouais, bon petit polar américain pour l'été qui s'appelle Meurtre sur la Madison. Alors la Madison, c'est un polar qui a un roman qui a été écrit par Keith McCafferty. Tu notes l'accent américain. Oui, j'aurais pas fait mieux. En tout cas, c'est ça super. C'est sûr. Donc la Madison, c'est une rivière qui coule dans le Montana. C'est la Mecque, un peu de la pêche à la mouche. Hein. C'est un petit polar. Donc j'ai trouvé un avis sympa d'une fille qui s'appelle Marina sur le site Babelio, que je vous conseille parce que c'est un super site qui recense les avis des lecteurs sur les bouquins. Et dans la Madison River, on rencontre de nombreux pêcheurs qui aiment à titiller le poisson. Et on rencontre aussi parfois des pêcheurs morts. C'est ce qui est arrivé au guide surnommé Rainbow Sam. Et à l'un de ses clients, remontant de leur canne le corps d'un jeune homme blanc, une mouche Royal Vulf au centre de la lèvre. L'enquête est alors confiée au shérif Martha Ettinger et à son adjoint, Walter Hess, qui devront déterminer s'il s'agit ou non d'un simple accident. Très vite, de nombreux détails vont les mettre sur la piste d'un homicide. Et Sean Stranahan, fraîchement installé dans le Montana suite à son divorce, est artiste peintre et ancien détective privé. C'est lui qui apprend la mort du jeune homme dans le journal. Et peu de temps après, il reçoit la visite de Velvet Lafayette, une jeune et troublante danseuse, qui s'inquiète de la disparition de son frère. Martha et Sean vont alors se croiser au cours de ces deux affaires étrangement liées et faire la lumière sur une bien triste et tragique découverte. Franchement, je vous le conseille, c'est hyper sympa, c'est hyper bien écrit. Mmh. On est tout de suite pris de sympathie pour les personnages, notamment ce fameux Sean là, beau gosse, pêcheur à la mouche, tu vois, le mec un petit peu cabossé par la vie qui est parti dans l'Ouest américain refaire sa vie et puis qui va dénouer un petit peu, détricoter l'affaire, quoi. Donc c'est cool, voilà, c'est sympa. Voilà, un bon polar américain. Alors le seul risque, c'est si on est au bord de l'eau, qu'on est trop pris par le bouquin et qu'on voit toutes les cannes partir au milieu de la rivière, et puis voilà. Hein, après, ça, c'est un risque à prendre, loupe, en tout cas. On loupe la touche. Meurtre sur la Madison par Keith McCafferty. Et c'est donc le conseil aujourd'hui de François, qui nous avait déjà conseillé dans une précédente émission d'autres livres, d'autres ouvrages autour de la pêche. Je vous invite à aller écouter le podcast sur le site de la radio. Oui, sur la littérature halieutique, on avait fait un petit truc, et puis je pense que ça peut être pas mal de faire un petit conseil lecture comme ça, par chronique. Voilà, bah, tout à fait. Et bien, on recommencera. Hein. Allez. Allez, un petit peu d'actualité maintenant, parce qu'il y a un bon plan pour l'été. C'est l'été, on peut aller à la pêche, mais pour pas cher, si on n'a pas encore déjà sa carte. C'est ça. Comme ça fait 2 ans maintenant que à la Fédé, en partenariat avec les APPMA participantes, alors on rappelle APPMA pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas encore ce que c'est Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, c'est l'association à laquelle vous adhérez quand vous achetez votre carte de pêche. Carte de pêche justement, qui cet été, à la journée, coûte 10 euros, donc 10 euros par jour. Mmh. C'est valable entre le 1er juillet et le 31 août. Normalement, c'est 16,50 euros la journée. On a fait baisser ce prix journalier de la carte de pêche en période estivale pour justement offrir une meilleure accessibilité, un meilleur accès aux loisirs. C'est un produit d'appel, il faut que ça soit pas trop cher. C'est un petit peu moins cher, c'est 10 euros tout rond. Les cartes sont disponibles comme toutes les autres cartes et comme toujours sur le site cartesdepêche.fr, qui est le site national de délivrance des cartes, et puis dans notre réseau de dépositaires, qu'on remercie encore, hein, c'est les revendeurs de cartes de pêche, les détaillants d'articles de pêche, il y a des boulangeries, des bureaux de tabac, il y a toute la liste sur le site web. Un bon plan donc pour cet été, 10 euros la carte estivale. Et si on veut aussi s'initier à la pêche, il y a plusieurs rendez-vous cet été pour les enfants et pour les grands aussi. Oui, c'est ça. Alors, les initiations pêche en famille qu'on fait depuis quelques années aussi maintenant, qui marchent super bien parce que c'est un super moment. Les parents ou les grands-parents viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants et ils partagent ce moment-là. On leur offre ce moment de partage et ce moment d'apprentissage, hein, parce que le but, c'est quand même de les initier à la pêche au cou. Et on fait ça sur Liverdun, avec la commune de Liverdun. On avait reçu... Clotilde, la chargée de com aussi, oui. L'année dernière, pour ça. Et puis, voilà, on vous invite à venir. Donc, il y a le mercredi 21 juin de 9h30 à 11h30, le samedi 8 juillet de 9h30 à 11h30, et le mercredi 30 août, toujours pareil, de 9h30 à 11h30. C'est quasiment gratuit, 1 euro par participant. Oui, c'est symbolique. C'est très symbolique. C'est juste pour fixer les inscriptions qui sont obligatoires pour que je sache combien il y a de personnes et combien d'animateurs il faut que je mobilise, en sachant qu'on arrive toujours à avoir un animateur par famille. Donc, on est sur de l'accompagnement qualitatif. Mmh. Et vraiment, c'est hyper sympa. Donc, venez nous voir et inscrivez-vous à la pêche en famille à Liverdun. Et vous prêtez le matériel? On prête le matériel, on fournit les cartes de pêche, la bonne humeur, on donne des magazines aux gosses. Enfin, ils vont vraiment... même accrocher le poisson directement à la canne. C'est pas loin, vraiment. Mais il n'y a même pas besoin parce que les animateurs sont tellement bons que ça prend du poisson. Ils se déguisent en poisson, carrément. Vous verrez ça. Donc, on n'hésite pas. À Pont-à-Mousson aussi, il y a un rendez-vous? Oui, alors ça, c'est de l'initiation à la pêche au leurre. C'est un petit peu plus cher parce que c'est destiné à un public adulte et plus expérimenté. C'est du perfectionnement, enfin, ou de l'initiation. Hein. Mais si vous voulez apprendre la pêche au leurre, les différents types de leurres, comment on manie les leurres, etc., on fait un petit truc à Pont-à-Mousson le mardi 20 juin, donc plutôt en soirée. Pareil, inscription obligatoire sur le site www.pêche-54.fr. Eh bien, merci beaucoup, François. Merci, Adrien, qui a tout écouté. Il n'a pas dit de bêtises, François. Non, ça a été. Et je pense qu'on peut ajouter aussi qu'on a eu l'information donc, hier soir que la préfecture de Meurthe-et-Moselle a passé le département en alerte sécheresse pour l'ensemble du département, voilà, compte tenu des niveaux d'eau qui sont quand même faibles à cette époque. Voilà, on attend la pluie avec impatience. Hein. Ouais. Antoine, qui était aussi avec nous en studio, qui a tout écouté, qui sait tout sur la Mortagne. Oui, c'était super, super intéressant, vraiment. La dernière fois que tu étais allé à la pêche, toi, tu t'en souviens? Non, ça fait longtemps, j'étais assez petit. Mais non, j'aime bien la pêche, je trouve ça vraiment intéressant. Bien, en tout cas, pour profiter de la nature, on n'hésite pas cet été. Merci François, on se retrouve... À la rentrée? À la rentrée, ouais. Et cet été, on va rediffuser des émissions. Okay. Parce qu'on a parlé de plein de choses cette année. Ouais. On a parlé d'associations, cool, pour reprendre, on a parlé de Team River Clean, on a parlé de la Tanche, de la Bouvière, plein de choses. On a parlé de plein de trucs, Donc on profite de l'été pour écouter quelques émissions. Merci. Merci François, merci Adrien et merci Antoine. Bel merci été à tous et bonne pêche. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.